avoir patienté pour ceux qui étaient déjà présents. Ça marche ? Ouais. Ah, ça marche, on dirait pas. D'accord, très bien. Bah, parfait. Bienvenue. Bienvenue au quai, bienvenue au quai CDN, et en l'occurrence là quand même dans un espace du CNDC, Centre National de Danse Contemporaine. Bienvenue à la Fabrique 15. Le projet de la Fabrique, pour vous dire brièvement ce à quoi vous allez assister, c'est un projet qu'on mène pour la troisième saison de conférences atypiques qui se veulent mélanger, mêler paroles savantes et gestes artistiques, pour faire court. Donc vous allez assister à une conférence performée qui s'intitule « Faire avec le numérique et ses nouveaux outils ». Je vais commencer par vous présenter les différents intervenants avant de vous en dire un petit peu plus sur ce contenu particulier de cet après-midi. Donc je vous présente, je commence par à côté de moi, Dominique Sagot-Duvauroux, qui est professeur d'économie et directeur de la SFR Confluence de l'Université d'Angers. Ewen Chardronnet, qui est auteur, journaliste et commissaire d'exposition, qui tiendra le rôle de modérateur et animateur de ce rendez-vous. Et Sophie Fétreau, qui est enseignante en design et théorie du design à Paris 1, Panthéon-Sorbonne-Nouvelle. Voilà, et je vais vous présenter tout de suite, mais je dois d'abord présenter quand même avant un autre personnage, qui est cette installation, cette machine assez particulière, qui est une machine conçue par les étudiants de l'ISTIA, École d'ingénieurs de l'Université d'Angers, et l'ESBA, École supérieure des beaux-arts d'Angers, sous la direction de Mehdi Lomo et Mathieu Delal, que je remercie par la même occasion. Cette machine sera utilisée lors de cette conférence performée, voilà, c'est celle-ci, parce qu'il y en a d'autres, je vais vous en parler aussi des autres autour des intervenants, sera utilisée par Benjamin, Juliette, Zoé et Maria, qui sont des étudiants en classe d'art dramatique du conservatoire à rayonnement régional d'Angers. Voilà pour les présentations. Avant de vous en dire un tout petit peu plus, cette fabrique est vraiment adossée au Festival D, dont vous venez peut-être de voir les expositions des créateurs qui sont dans le forum, où vous allez peut-être découvrir. Donc exposition qui a lieu jusqu'à 18h30 aujourd'hui et demain de 10h à 18h, de différents nouveaux créateurs, nouveaux bricoleurs sur la thématique du do-it-yourself, des Fab Labs. La fabrique, le projet de la fabrique en règle générale est justement un partage de savoir parce que l'idée c'est de croiser, comme je disais tout à l'heure, des paroles savantes et des gestes artistiques. Et pour ça, on travaille en lien avec l'Université d'Angers et l'Université catholique de l'Ouest. Il y a un comité de pilotage qui a été monté avec différentes personnalités des trois structures, donc du quai Centre Dramatique National, mais aussi des deux universités, pour inventer ensemble un programme de différents rendez-vous. Donc vous retrouverez ces différents rendez-vous pour toutes ces conférences atypiques à l'année au sein de ce petit document. Donc adossé à des temps forts du quai, aujourd'hui le temps fort c'est le Festival D. Mais par exemple, la prochaine sera en lien, une des prochaines sera en lien avec le festival Premier Plan, avec des projections, conférences performées et projections autour des thématiques de la famille. On en aura une autre en lien à l'accueil notamment de Kerry James ici et de Cyrano, d'une adaptation de Cyrano autour de l'éloquence, de la thématique de l'éloquence. Donc voilà, des thèmes extrêmement variés, toujours des rendez-vous gratuits. C'est vraiment ce qu'on souhaite et ça rejoint un peu voilà, cette idée de partage de savoir et d'accès à celui-ci le plus possible de façon démocratique. Donc cette conférence performée va donc être faite par les intervenants que je vous ai présentés et vous allez assister à une performance de la part des étudiants du conservatoire à l'aide de cette machine donc, dont j'ai parlé, qui a été en fait une machine qui est alimentée par des véritables textes d'articles écrits par Sophie Fétreau. Donc on remercie ici aussi parce qu'on espère que ça ne va pas trop trahir sa pensée. Cette machine ensuite a été, à l'intérieur de cette machine sont programmés des algorithmes. Les concepteurs sont là, donc ils me regardent, j'espère que je ne dis pas trop de bêtises sur leur machine, ça va. À l'aide d'algorithmes, en fait, ça va générer, les étudiants s'en serviront à différents moments de cette conférence, ça va générer un discours atypique à partir de ces textes écrits, un discours qu'on espère poétique. Et voilà. Et d'ailleurs, on va parler de ça, du rapport, comment inventer un rapport poétique entre l'homme et la machine. Donc ça devrait résonner, ces textes un peu étonnants, un peu surprenants qui vont être créés. tiens à dire aussi qu'on se retrouve quand même dans le dispositif scénique. Et on le remercie aussi de Mathieu Delaunay. Vous avez peut-être, certains d'entre vous ont déjà vu sa performance qui a joué à 15h. Sachez que donc, c'est un artiste dont on a la chance d'accueillir son spectacle plutôt en avant-première, parce qu'il va être créé, je crois, à Château-Gontier le mois prochain ou dans 2 mois, qui s'appelle Silence, qui est une performance sonore, à la fois en live et à la fois pilotée, donc des instruments à cordes qui sont aussi pilotés par des machines et également en live par des artistes. Elle rejoue cette performance à 19h, elle dure à peine une demi-heure, c'est gratuit, donc vous êtes les bienvenus pour la voir. Et elle est également, cette salle, en fait, cette installation est également visible au-delà des horaires de la performance de Mathieu Delaunay, mais juste pour constater comment ça fonctionne, toutes les demi-heures, il y a des départs de visite pour visiter cette installation. Il reste des places, hein, je serai vous, allez-y, montez dans le gradin. Je crois que j'ai rien oublié. Et si c'est le cas, je pense que Ewen Chardonnay me... Je vais laisser la parole à Ewen Chardonnay. Je vous souhaite une bonne fabrique. Merci. Donc, je remercie le Quai pour cette invitation et le Festival D. Et puis, nous intervenons pour être là. Je vais vous expliquer un peu, puisqu'il s'agit d'une conférence performée. On va avoir un temps d'une heure environ d'écoute de nos intervenants et interprètes. Puis moi je reviendrai pour disons une vingtaine de minutes ensuite pour qu'on ait un échange un peu plus élaboré avec vous et entre nous. Tout d'abord on aura une intervention de Dominique Sago du Vauroux qui va nous parler de la révolution industrielle et post-industrielle et des remises en cause des processus de standardisation et la définition de l'originalité dans ce cadre. Sophie Fétreau interviendra ensuite sur la machine-outil comme enjeu créatif et puis aussi sur les questions de les sentiments partagés que parfois les machines suscitent entre addiction, fascination, peur ou rejet, et le contexte des sciences de l'ingénieur et de comment les artistes ou designers interviennent pour déranger la technique. Puis on aura donc une intervention de nos interprètes sur cette poésie algorithmique qui va être suscitée directement après Sophie, ce qui va être un moment intéressant. Ensuite, Dominique reviendra pour parler avec nous là, plutôt de la machine de l'art et du statut, de la singularité de la copie et donc de l'économie des multiples. Et Sophie nous parlera là plutôt du rapport poétique et créatif entre hommes et machines et de l'introduction de dimensions aléatoires. Et de nouveau, donc, une intervention de nos interprètes. Et puis, donc, voilà, on se retrouvera pour échanger par une vingtaine ou une trentaine de minutes ensuite. Donc, je vais leur laisser la parole et je vais me positionner en face. Bonjour à tous. Merci au Quai de m'avoir invité pour cette conférence sur la question de la fabrique des objets par des machines qui les éloigne un peu de l'homme. Alors moi, dans un premier temps, hein, comme Erwan vient de le dire, je vais dresser une espèce de rapide bilan de la façon dont ont évolué nos économies depuis en fait la révolution industrielle, pour déboucher sur une économie où la question de l'originalité et de l'auteur va devenir centrale aujourd'hui. Alors si on remonte avant la révolution industrielle, qu'est-ce qu'on a ? On a une économie qui est essentiellement artisanale. C'est une économie où la fabrication de copies est coûteuse. Ces copies sont la plupart du temps d'ailleurs des objets singuliers, parce que deux objets fabriqués par un artisan ne sont jamais exactement les mêmes. Donc on n'a pas des copies parfaites, hein. On a une économie artisanale où l'artisan contrôle complètement son appareil de production, hein, depuis la conception jusqu'à la fabrication et souvent jusqu'à la diffusion. Et puis, à partir du XVIIIe siècle, s'amorce ce qu'on a appelé la révolution industrielle, en Grande-Bretagne d'abord, et puis après ça, en Europe, aux États-Unis et puis dans le reste du monde. Et en fait, la révolution industrielle, qu'est-ce que c'est ? C'est l'industrialisation de la fabrication de copies. Il y a toujours eu une fabrication d'originaux au départ, hein, dans le processus de production. On commence par produire un original qui est une maquette, qui est un dessin, qui est un, qui est un objet unique. Et puis, qu'est-ce qu'elles font, les usines ? Elles prennent cet objet original et puis elles en font des copies. Et l'industrialisation, c'est ça, en fait. C'est l'industrialisation de la fabrication de copies. Et cette industrialisation de la fabrication des copies, elle s'est beaucoup faite par des machines. Elle s'est faite par de nouvelles organisations du travail. Il y a un article célèbre d'un économiste qu'on appelle le père de l'économie politique, qui s'appelait Adam Smith, qui fait un article sur la fabrique des épingles en Angleterre au XVIIIe siècle, et il montre comment la division du travail améliore la productivité. Mais à partir du XIXe siècle et du XXe siècle encore plus, c'est les machines qui vont permettre aux industries d'améliorer leur productivité, de réaliser des gains de productivité. Ces gains de productivité vont être essentiels parce que c'est eux qui expliquent prioritairement le fait qu'aujourd'hui, par exemple, on travaille deux fois moins qu'on ne travaillait au début du XXe siècle. Et dans ce temps où on travaille deux fois moins, on produit beaucoup plus de valeur que ce qu'on produisait au début du XXe siècle. Donc, si aujourd'hui on ne travaille que 35 heures par semaine, alors qu'à la fin du XIXe siècle on travaillait 70 heures par semaine, c'est grâce à ce processus d'industrialisation, c'est grâce à ces machines qui ont permis de remplacer le travail humain. Donc en soi, ça c'est très bien d'avoir des machines qui remplacent le travail, humain. Surtout si ça permet de réduire le temps de travail et de partager le travail. On reviendra peut-être là-dessus tout à l'heure. Donc on a une révolution industrielle où des ingénieurs, des chefs d'entreprise imaginent des machines qui vont permettre de réduire progressivement le coût de fabrication des copies jusqu'à ce que ce coût tende vers zéro. C'est ce que Rifkin qualifie lorsqu'il parle de coût marginal égal à zéro. Aujourd'hui, d'une certaine façon, on se dirige très vite vers une économie où ça ne coûtera pratiquement plus rien de fabriquer des copies. Ce qui est une révolution absolument incroyable, parce que ça veut dire, d'une certaine façon, que la question de la rareté des produits qui était centrale dans la construction de l'économie, cette question de la rareté, elle va se poser dans des termes qui sont radicalement différents de ceux qui existaient auparavant, où finalement on crée des entreprises, on crée des industries pour permettre au plus grand nombre d'avoir accès à ces copies de voitures, à ces copies de paquets de pâtes qui nous permettaient de nous nourrir, de nous déplacer et de vivre mieux. Donc ce processus, il est quasiment à son terme. Ce processus des révolutions industrielles qui s'est amorcé au XVIIIe siècle, il est pratiquement à son terme. On va très rapidement vers des usines où il y aura pratiquement plus personne qui travaillera. On aura des machines qui fabriqueront des produits, on aura des machines qui répareront des machines, et on aura de plus en plus des machines aussi qui vont remonter au niveau de la phase de conception et qui supprimeront pas complètement les hommes dans la conception, mais qui aideront les hommes à la conception des produits. On a une sorte on va aussi vers une forme d'algorithmisation du processus de production, dont un exemple le plus flagrant aujourd'hui, c'est la finance. La finance, aujourd'hui, les arbitrages qui se font dans les salles de marché, ils se font pour la plupart du temps par des algorithmes que les concepteurs de ces algorithmes ne maîtrisent plus directement. C'est-à-dire que la crise de 2008, par exemple, c'est une crise de cette finance organisée autour d'algorithmes qui, en fonction d'un certain nombre d'hypothèses faites par les gens qui avaient conçu ces algorithmes, ont entraîné un jeu de domino qui s'est propagé à la vitesse de la poudre dans l'ensemble sur l'ensemble de la planète, avec tous les dégâts que l'on connaît. Donc on a en fait ce processus d'industrialisation, il s'est traduit par une espèce de dynamique de dépossession de l'outil de travail par les hommes, avec le côté positif, on a réduit son temps de travail, on a plus de temps de loisirs, mais avec un côté très négatif, parce que on a perdu le contrôle de son travail, on est devenu dépendant de toute une série d'échelons dans la production que l'on ne maîtrisait pas. Alors par rapport à, et d'ailleurs ce qu'on peut dire, et c'est intéressant de le remarquer, c'est que les industries qui ont gagné cette course à l'industrialisation, qui ont été les premières à arriver à la situation où les copies ne coûtent plus rien à produire, ce sont les industries culturelles. Aujourd'hui, ça ne coûte plus rien de dupliquer à l'infini un morceau de musique. Ça ne coûte plus rien de dupliquer à l'infini un film. C'est-à-dire qu'on est arrivé dans les industries culturelles au terme de ce processus qui a fait que il était coûteux de fabriquer autant de biens que la population souhaitait. Alors, le problème qui se pose aujourd'hui par rapport à ça, c'est qu'on ne sait pas, du tout encore faire fonctionner une économie où les copies ne valent plus rien. Alors, on ne sait pas du tout. Il y a des modèles qui apparaissent, mais les tendances qui se dégagent, c'est une première tendance, c'est qu'on revient vers une économie de rente, vers une économie de droit de propriété, où finalement ce qui va permettre aux gens de gagner de l'argent, c'est pas de fabriquer des copies, comme dans l'économie industrielle classique, ça va être de détenir des droits sur des originaux dont on fera des copies. C'est en quelque sorte une sorte d'artification de l'économie. Hein. Aujourd'hui, les grandes entreprises, les entreprises du luxe par exemple, elles gagnent beaucoup d'argent, non pas parce qu'elles produisent elles-mêmes les copies, mais parce qu'elles ont des droits, des licences sur l'ensemble des objets qui sont fabriqués le plus souvent par des machines et ailleurs. Donc on a à la fois cette économie de droits, de licences qui se développe, sur lequel je reviendrai dans la deuxième partie de mon intervention, et puis de l'autre côté, une économie dont on parle beaucoup aujourd'hui ici, de circuit court, une économie de réappropriation par la population de son outil de production, grâce à ces machines qui nous permettent de produire des objets singuliers. Donc on a une espèce de tension dans la société aujourd'hui. On a d'un côté une économie de plus en plus mondialisée, où les revenus remontent de plus en plus vers l'amont sur les détenteurs de droits de propriété, qui sont très peu nombreux. Et puis de l'autre côté, une économie de circuit court, où on se réapproprie toute une série de choses dont on avait été exclu pendant toute la grande période de l'industrialisation et qui est rendue possible également par par les machines. Bonjour à tous, moi je vais prendre le relais. Merci de m'avoir invité à cette conférence performée. Alors, moi je vais commencer par mon intervention en disant que les machines n'inspirent pas pleine confiance, et ce, parfois légitimement, qui en effet n'a pas rencontré un problème avec un distributeur automatique, avec un lecteur de cartes ou même son ordinateur. Pourtant, il faut bien se rendre à l'évidence que la majorité des individus sont aujourd'hui connectés, consciemment ou non d'ailleurs, via des smartphones, qu'on utilise des ordinateurs, des appareils électroménagers, de la domotique, des cartes munies de puces, que des machines décodent. Difficile donc de pouvoir échapper à leur présence au quotidien. Loin de faire l'unanimité, les machines sont là. Elles peuplent nos environnements, nous occupent et nous préoccupent, savent se rendre indispensables, à grand renfort d'ailleurs de promotion publicitaire, sous couvert d'innovation et d'amélioration de nos conditions de vie. Leur omniprésence et les développements technologiques génèrent des sentiments assez contradictoires, il faut bien se rendre à l'évidence. Entre addiction et rejet dogmatique, fascination ou aversion, engouement et méfiance légitime. Comment dès lors faire pour que la machine devienne un outil libérateur et non une chose effrayante dont on ferait mieux de se méfier dès lors que l'on viendrait à en perdre le contrôle ou que la machine viendrait à coloniser le corps humain. Donc l'idée n'est pas de glorifier aveuglément la machine, ni pour autant d'en avoir déraisonnablement peur, mais plutôt de réfléchir à la façon dont on souhaite réellement qu'elle fonctionne. Donc moi, je voulais poser une question, finalement, c'est à quoi pourrait ressembler, en fait, la machine idéale? Quelles seraient un petit peu voilà, les caractéristiques de cette machine? Alors, est-ce que, par exemple, ce serait celle qui exécuterait parfaitement ce qu'on lui ordonne de faire? Est-ce que, par ailleurs, ça pourrait peut-être être une machine qui place l'humain au centre des commandes, pour que, effectivement, l'humain puisse maîtriser ces machines? Ou est-ce encore ou est-ce celle qui peut se faire discrète, celle que finalement on pourrait oublier et qui ferait le travail à notre place? Alors, ces trois injonctions finalement que l'on attend de la machine, c'est-à-dire exécuter parfaitement ce qu'on lui demande de faire, se laisser piloter sans rechigner à la tâche et se faire oublier, au fond, ce sont en fait des caractéristiques qui relèvent de finalement la figure du serviteur ou d'un esclave. On attend finalement des machines qu'elles répondent aux désirs de son maître dans une obéissance qui serait assez stricte. Alors les ordinateurs, les machines complexes sont là a priori pour nous rendre service et se mettre à notre service. Ils sont munis d'ailleurs de serveurs, donc comme son nom l'indique, qui permettent de, par exemple, traiter des mails, de stocker des bases de données, de gérer l'authentification et le contrôle d'accès, ce qui atteste de cette relation de dépendance et de soumission à l'être humain. À l'opposé, on pourrait imaginer un autre rapport, donc à l'opposé de ce rapport d'hypercontrôle, où l'homme domine le robot et les processus automatisés. La machine idéale serait-elle, par exemple, un robot autonome capable de prendre des initiatives à la place de l'être humain, qui, en somme, quelque part, penserait à notre place? Alors, dans le cas du design, alors moi, c'est le champ qui m'intéresse plus particulièrement, la machine en viendrait-elle, par exemple, à concevoir à la place du concepteur? C'est ce que tu évoquais tout à l'heure. On parle aujourd'hui beaucoup d'intelligence artificielle et d'hybridation de la machine et du vivant. Et donc, le designer se verrait-il mis finalement sur le banc de touche, réduit au rôle d'observateur impassible ou mieux de superviseur des opérations qui se joueraient devant lui? Alors, dans le champ des sciences de l'ingénieur, qui est un domaine proche et parfois connexe du design, la relation aux machines s'inscrit le plus souvent, d'ailleurs depuis le XVIIe siècle, dans une tradition progressiste, pragmatique et fonctionnaliste, d'amélioration des performances. Pour l'industrie, qui est généralement le commanditaire de ces machines, il s'agit essentiellement d'augmenter les rendements et la productivité, de réduire les temps de production et les processus de transformation, d'accroître la rapidité du temps de réponse et l'efficacité dans la communication de l'information. Être efficace et opérationnel, tel est d'ailleurs ce qu'on leur demande finalement le plus souvent. En effet, on ne comprendrait pas tellement qu'une machine ne fasse pas ce qu'on lui ordonne de faire, qu'un robot chirurgien soit imprécis, qu'un moteur tourne quand cela lui chante, par exemple, qu'un GPS n'indique pas la bonne direction, qu'un satellite ne suive pas la bonne trajectoire. On le voit d'ailleurs, un appareil qui tombe en panne ou dysfonctionne génère frustration et énervement. Pour autant que ce rapport aux machines existe et prédomine largement le développement mécanique et technologique encore aujourd'hui, d'autres approches existent, peut-être plus confidentielles, celles-là, mais pour autant, elles ne sont pas inexistantes. Et c'est ce qui m'intéresse en particulier, qui consiste à solliciter les machines autrement que sous l'angle de la performance et de la force technique. Performance ici, entendue non pas au sens artistique, mais au sens de augmentation de la productivité. Une certaine forme d'insoumission à cette tradition et de contestation du modèle technologique dominant est présent de façon plus ou moins latente et visible, et c'est justement dans le champ des arts et du design que des machines singulières voient le jour, ne répondant ni seulement à des impératifs économiques, du moins pas uniquement, ni seulement à des préoccupations d'ordre technique d'amélioration d'un système. Alors, malgré une production relativement marginale, hein, ça ne correspond pas à l'ensemble des approches en design, malheureusement, il me semble quand même important de mettre en évidence cette relation du designer à la machine, car pour moi, il se pourrait bien que cette relation puisse servir de modèle. Il est fort probable que les designers, alors j'englobe derrière cette appellation certaines pratiques de hacking, pratiques artistiques et pratiques amateurs, inventent un rapport à la machine qui pourrait être salutaire, permettant de proposer une alternative à l'idée d'une machine omnisciente qui dépasserait l'être humain ou d'une machine qui prendrait le pouvoir sur l'homme. Au fond, le problème, c'est aussi la relation de domination à dominer qui peut s'instaurer entre l'homme à la machine et qu'on peut, qui me semble nécessaire quelque part de dépasser. Donc aussi, comme je l'évoquais dans le résumé de mon intervention, déranger la technique, telle pourrait être finalement un enjeu créatif pour les designers, bricoleurs, amateurs ou citoyens. Alors, en quoi consiste ce dérangement et puis pourquoi vouloir, au fond, déranger la technique ? C'est un peu la question qui nous intéresse peut-être aujourd'hui ici. Donc, on peut bien évidemment déranger le fonctionnement des machines au point de les faire dérailler, de les perturber jusqu'à ce qu'elles dysfonctionnent et qu'elles ne donnent plus satisfaction. Néanmoins, le dérangement dont je veux parler est d'une autre nature. Il ne s'agit pas d'entraver le fonctionnement des machines, mais d'envisager plutôt d'autres possibilités de les faire fonctionner, de déranger au fond les pratiques et les usages habituels. Alors pour comprendre un petit peu la nécessité de ce dérangement technique, je vous propose d'identifier et de retenir quatre types de relations du designer à la machine. La première, ce serait d'évoquer une relation intermédiaire. Donc intermédiaire, puisque on a affaire avec la machine à un média et donc à une médiatisation entre l'homme et puis un résultat. Donc le designer sollicite par exemple, dans son cas en tout cas, le savoir-faire par exemple d'ouvriers spécialisés en usine ou en atelier qui vont recourir à des outils et des machines. Donc là c'est finalement l'artisan ou l'ouvrier spécialisé qui est cette personne intermédiaire. Cette relation implique un passage de relais en demandant finalement à quelqu'un d'autre de les actionner. Elle permet de s'appuyer sur leurs connaissances et leur capacité à interagir avec leur outil. On peut, lorsque cela est possible et que le contexte de production l'autorise, que l'ouvrier se prête au jeu, solliciter la machine en dehors des usages connus et automatismes de production, conduisant à opérer des réglages nouveaux, différents. Cette relation impliquant la disponibilité d'un ouvrier spécialisé et des machines aussi, constitue un idéal qui n'est malheureusement pas toujours possible d'atteindre en raison notamment de la pression économique, de l'indisponibilité des machines et aussi d'une crainte relative à de possibles casses de matériel. Donc en effet, un industriel par exemple ne va pas ouvrir ses portes comme ça à des designers qui voudraient utiliser des machines comme bon lui ressemble. Voilà, il y a un encadrement technique qui a lieu. Et donc il ne faut pas se le cacher non plus, l'industrie telle qu'elle existe aujourd'hui et qui est articulée au marché et au commerce implique des cadences de production qui rendent toute expérimentation avec les machines difficile. Et dans le cas du design, c'est quand même problématique puisque le designer est aussi là pour entrer dans une relation directe avec l'industrie. Mais on s'aperçoit qu'aujourd'hui, d'une part parce que les industries sont délocalisées, il n'est pas toujours possible de pouvoir agir avec les industriels, oui. Et puis d'avoir accès à la aux outils. Autre relation, c'est une relation de conformité. On peut s'en servir, c'est-à-dire suivre scrupuleusement le fonctionnement de la machine telle qu'elle a été pensée à son origine et réaliser ce pourquoi elle est faite. Pour aller un petit peu plus vite encore, la relation la plus courante, finalement, c'est une relation de délégation. On va déléguer et reporter l'exécution d'un résultat à la machine. Elle implique en quelque sorte une confiance dans les procédures automatisées et le designer va ainsi déléguer aux machines un certain nombre de tâches jugées pénibles, répétitives ou difficilement réalisables par lui. Enfin, c'est la dernière qui m'intéresse, c'est pour ça que je voulais quand même arriver à cet élément-là, c'est une relation de contestation et de non-conformité aux machines et à leur fonctionnement. On peut en effet solliciter la machine en allant au plus loin de ses possibilités ou en allant chercher des fonctionnalités inhabituellement convoquées. Donc là, il faut envisager cette contestation comme plutôt positive. Il ne s'agit pas de s'opposer à la machine, mais plutôt de s'affranchir des paramétrages d'usine, de déprogrammer et de reprogrammer leur système, et de les transformer, voire de créer des machines de toutes pièces. Donc, dans ce rapport critique, finalement, à la machine, quelque chose de l'ordre d'un désaccord avec les procédures déjà préenregistrées s'exprime. Il s'agit non seulement d'affirmer le refus de certains systèmes automatisés et modes de pilotage, qui ont tendance finalement à verrouiller les procédures mécaniques, mais aussi de les contester, en deux mots, tester avec, autrement dit, de tester les machines. Voilà, donc cette dernière relation est quelque part une sorte d'invitation à explorer les fonctionnements des composants électroniques et des appareils, d'ouvrir les capots et finalement une invitation à ne pas se contenter de suivre sagement un mode d'emploi. Et à mon avis, c'est ce que le Festival B propose. Voilà, je vous remercie. Dans l'histoire des techniques, l'impression 3D pouvait constituer un marché lucratif et de l'expérience. En cela, le dessin des proportions, un espace. Pour les designers, l'enjeu est de parvenir à ce qui avait été imaginé préalablement. L'impression 3D initie en ce sens le public à l'inconscient de la part du concepteur qui se pose. Du fait de main d'homme, indique que pour lui, ce type de conduite projective de faire simplement acte de mécanicien. Réunies entre elles par un processus de subdivision, par exemple, laisse en effet calculer l'ordinateur. Si les avantages énoncés par les designers explorent, et qui pourtant n'est pas seulement dans le dessin des proportions, un espace. L'inventivité s'appuie davantage sur le plan de la surprise, peut encore se manifester. Par ailleurs, indissociable de ce nouvel ensemble technique, incorpore littéralement l'ouvrier à son devoir de planification. L'imprévu est alors associé à la main, se trouvait libéré des obligations artistiques les plus bénéfiques et salutaires. Ils peuvent être interprétés comme l'expression d'un faire manuel. Son approche intègre donc une part de l'artiste qui le conduit à se détourner de ses gestes. On peut en effet, avec l'envie d'encourager les individus à ne pas tout prévoir. Mais il est ainsi la persistance de logique qui jusqu'alors pouvait sembler contradictoire ou impossible à concilier. Il trouve en cours de route quelque chose comme ça qu'avec un algorithme. L'utilisation du numérique permet une bien plus directe, spontanée et créative aux machines puisse avoir lieu. Caractériser l'impression 3D suscite tant du point de vue esthétique, spatial et humain. Le faire l'emporte sur le plan mathématique si les combinaisons s'opèrent de façon fortuite. Mark Fornes, architecte français installé aux États-Unis, s'est spécialisé dans la conception à la marge et dans le temps. Et l'architecte est vraiment, il se laisse conduire par elle, tout étonné du résultat. Pour cela, des collaborations entre designers et les réseaux de production. Dans ce contexte apocalyptique, l'être humain, ce dernier ne pouvant rivaliser, au regard de ses outils dont il était le centre et le porteur. Les industriels ont vite compris que l'impression 3D n'est pas nécessairement dans une approche d'innovation pleine et entière. Combinée à un moment donné, son projet de sa préoccupation en tant que pratique projective. Ils se ressentent à travers une approche d'innovation pleine et entière. Bien que chaque ouvrier s'accorde à son métier à tisser. Son approche intègre donc une ouverture, une méthode de recherche et d'émerveillement que les possibilités qui s'offrent à lui. Le développement d'usines de proximité est la visée du projet. Il est bien loin d'opposer l'ouvrier à la production d'objets uniques. Cette peur d'un renversement de contrôle qui se succède automatiquement dans le dessin des proportions, un espace. Autrement dit, et gadget ce qui n'est pas évident, d'autant que ce qui détermine en premier lieu est esthétiquement le résultat. Le design comme pratique projective, un peu plus la relation classique de l'artisan pour rendre tangible la part créative du designer. L'ordinateur, s'il calcule, ne sait pas définir ce qui détermine en premier lieu et esthétiquement le résultat. Est-il précisément question, dans ce cas précis sur l'être humain, ne conduit pas nécessairement à le diminuer. Dans l'histoire des techniques, l'impression 3D s'avère un préalable nécessaire. Avec leur alignement d'imprimantes 3D, des usines ultra-performantes que l'on pourrait croire, les designers ont puisé dans leur temps. Ici, il s'agit de veiller à garder la main comme condition de réversibilité et d'évolution du projet. Non seulement le caractère indiscipliné d'une rature, plus particulièrement, ils ne le sont pas. L'architecte définit son statut d'auteur non plus à dessiner des formes qu'il va obtenir. Nombreux sont en effet avec l'envie d'encourager les individus qui en font l'expérience quotidiennement. Ce qui est attendu et ce qui détermine en premier lieu et esthétiquement le résultat. Les Fab Labs présentent de nombreux designers et les résultats obtenus. Il se constitue alors une première forme de connaissance et fait avancer le travail. Ce sont dès lors les conditions de survenue de l'imprévu en tant que pratique projective. La démocratisation des imprimantes 3D, l'accès élargi aux machines, le caractère indiscipliné d'une rature. Forcé de la robotique ne s'accompagne pas nécessairement et systématiquement la cause d'une dégradation de la production en aval. Malgré tout, le fait que les designers ne parviennent pas à tout contrôler. D'ailleurs, le fait que les ingénieurs en charge de les concevoir avec elles. Ils rendent des services absolument sans commune mesure avec le numérique, les machines elles-mêmes et par la quête de performance. nous nous étions quittés sur le fait qu'on était passé d'une économie de copie à une économie d'originaux. La question, c'est de savoir qu'est-ce que c'est qu'un original. Ce qu'on va voir, c'est que, pour le coup, les artistes se sont beaucoup amusés avec la question de l'original et, sans doute, à travers leurs œuvres, interrogent cette économie qui se présente devant nous, qui est de plus en plus organisée autour de la question de l'originalité et qui est l'auteur de cette œuvre originale. Alors, d'abord, le monde de l'art a subi, comme les autres activités artisanales, le processus d'industrialisation de l'économie. Quand la photographie apparaît au début du 19e siècle, elle va d'une certaine façon se traduire par une forme d'industrialisation de la production d'images. Il faut savoir qu'au 18e siècle, hein, l'essentiel des images, des portraits, des paysages, c'est fait par des... comme il n'y a pas de procédé automatique de fabrication des images, c'est fait par des artistes qui vont se retrouver concurrencés par la photographie à partir de la deuxième moitié du 19e siècle. Et ce n'est pas un hasard si, à partir de la fin du 19e siècle, le marché de l'art change radicalement. C'est-à-dire que ce qui n'était pas source de valeur, la rareté, devient la pierre d'angle de la construction de la valeur sur le marché de l'art. Au 19e siècle et au 18e siècle, finalement, il n'y a pas de grosse différence entre la valeur d'une copie et la valeur d'un original. Il y a des artistes qui vendent plus cher leurs copies que leurs originaux parce que, en fait, au 19e siècle, on a une valeur qui est intrinsèque à l'œuvre. Donc, si c'est un grand tableau qui est bien peint, il va avoir une valeur et la copie de ce tableau va avoir une valeur à peu près équivalente. Et c'est simplement à partir de la fin du 19e siècle que ce système-là change complètement, que la construction de la valeur des œuvres change complètement. Elle est plus liée aux caractéristiques de l'œuvre elle-même, de sa taille, son sujet, sa difficulté, mais elle devient organisée autour de l'originalité de la démarche de l'artiste et de la rareté de son œuvre. Finalement, depuis la fin du 19e siècle jusqu'à aujourd'hui, si l'on veut comprendre la valeur d'une œuvre, on doit prendre en considération trois éléments. Une œuvre a de la valeur parce qu'elle est nouvelle, elle est innovante, que l'artiste a une démarche originale par rapport à ce qui s'est fait auparavant, donc c'est le premier sens du mot originalité. Deuxièmement, une œuvre va avoir de la valeur parce qu'elle est rare, et ce qui va faire le lien entre l'innovation et la rareté, c'est l'authenticité, si bien qu'aujourd'hui, si on a un doute sur l'auteur d'une œuvre, cette œuvre va perdre énormément en valeur. On a des situations qui sont, quand on y pense, assez rocambolesque, où une œuvre que l'on va admirer pendant des dizaines d'années parce qu'elle est de Rembrandt, parce qu'elle est de Vermeer, du jour au lendemain, à partir du moment où elle n'est plus reconnue comme de Rembrandt, qu'elle n'est plus reconnue comme de Vermeer, elle n'aura plus de valeur. Donc on va avoir un marché qui va se construire autour d'une valorisation de la rareté de l'œuvre attestée par son authenticité. Il y avait environ 200 Vermeer qui étaient reconnus comme tels au début du XXe siècle. Il n'y en a plus que 34 aujourd'hui, donc il y a des phénomènes de déclassification. Et ce modèle, il a eu le mérite de permettre à des artistes fortement concurrencés par des produits industriels, entre guillemets, qui étaient la photographie, de continuer à avoir des moyens. Et ce qu'on constate, c'est que ce modèle de l'art, ce modèle des œuvres d'art a tendance à se généraliser aujourd'hui. C'est-à-dire que dans cette économie de l'originalité, on va essayer de construire un modèle où on attribue de la valeur à la rareté, sachant que l'industrialisation supprime précisément cette rareté. C'est ça là, une des grandes contradictions de notre économie contemporaine, c'est qu'on a développé des technologies qui permettent d'être affranchi du coût de la reproduction des œuvres, et en même temps, ça casse la valeur. Donc il faut trouver un autre mécanisme de construction de la valeur que l'on va emprunter au marché de l'art en reconstruisant de la rareté artificielle. Alors ça a été le cas notamment dans le domaine de la photographie, hein, où quand les marchés de la photographie se sont précarisés, est né un marché des tirages photographiques où la valeur a été créée par une raréfaction artificielle des tirages. C'est-à-dire qu'on a commencé à dire qu'un tirage original, ça va être un tirage tiré en moins de 30 exemplaires, signé, c'est lui qui aura de la valeur. Et il va avoir une valeur très différente par rapport à sa copie, qui est souvent très proche de l'original. Donc, pendant très longtemps, dans le domaine de la photographie, la copie et l'original avaient la même valeur. Et depuis une trentaine d'années, s'est construit un marché du tirage original qui repose sur le fétichisme de la rareté, en quelque sorte. Dans le marché de la vidéo, c'est un peu la même chose. Et de plus en plus dans les marchés industriels. Le marketing a bien compris ça. Quand on vous dit achetez tout de suite, ce sont des séries limitées. Lorsque Ferrari construit son modèle autour du fait qu'il y aura simplement 567 exemplaires de sa voiture, c'est une économie qui s'organise autour d'une élitisation des marchés, d'une raréfaction artificielle de la production, ce qui est d'une certaine façon contraire à toute l'histoire de la révolution industrielle, qui était justement de lutter contre la rareté pour améliorer le bien-être de la population. Donc une des grandes questions aujourd'hui, c'est ça. On voit bien qu'une solution au problème économique aujourd'hui, c'est d'adopter le modèle du marché de l'art pour l'appliquer à cette économie industrielle dont la valeur s'épuise parce que les copies ne valent plus rien. Mais la conséquence, c'est que on a une économie qui va avoir tendance à s'élitiser. Hein. C'est pas un hasard si c'est l'économie du luxe aujourd'hui qui réalise les plus grandes marges. C'est là qu'on réalise des marges. Et c'est à mon avis, c'est une des grandes interrogations aujourd'hui. Et je retombe sur ce que je disais tout à l'heure et je m'arrêterai là. Hein. Une grande résistance à ce modèle économique qui remet en cause l'absence de rareté offerte par l'industrialisation, ça va être justement de se réapproprier son processus de production et de contourner ces histoires de rareté. Et les artistes eux-mêmes, bien qu'ils existent sur un marché sur lequel la valeur est liée à la rareté, ont beaucoup joué de ça. Je vais prendre deux exemples. L'exemple de Marcel Duchamp, qui a quand même marqué l'histoire du XXe siècle, est tout à fait singulière. Qu'est-ce qu'il prend ? Il prend un objet fabriqué dans le commerce, un objet reproductible, il le met dans une galerie ou dans un musée, il en fait un objet unique et il dit, voyez, regardez, j'ai complètement transformé la valeur. Cette urinoir qui valait 50 euros chez le roi Merlin, maintenant, il vaut 3 millions d'euros parce que je l'ai signé et je l'ai mis dans une galerie. Et ce modèle-là, ce qui est amusant, ce qui est très fort chez Marcel Duchamp, c'est qu'il préfigure une évolution économique qu'on voit un petit peu partout. Et puis je prends un deuxième exemple, moi, qui m'amuse beaucoup sur la question de l'originalité, c'est l'exemple de Sherry Levin. Sherry Levin, c'est une artiste américaine qui fait des copies de photos. Elle fait des photos de photos. Donc il y a notamment une photographie célèbre de Sherry Levin, qui est une photographie d'une photographie de Walker Evans. On voit une jeune femme qui est devant une maison en bois. Et donc, il y a d'un côté la photographie de Walker Evans, qu'il a pris dans une rue, et puis de l'autre à côté, la photographie de Sherry Lewin. Et à Sherry Lewin, on pose la question à Sherry Lewin en lui demandant, mais attendez, qu'est-ce que vous faites là ? C'est exactement la même chose, c'est une copie exacte de l'œuvre de Walker Evans. Et effectivement, quand on voit les deux photographies à côté, c'est exactement les mêmes photos. Et elle vous dit, mais vous avez bien regardé ? Vous avez bien regardé les deux photos ? Et vous dites que c'est la même chose ? Mais c'est quoi le sujet de la photo de Walker Evans ? Le sujet de la photo de Walker Evans, c'est une femme qui est devant une barrière en bois et qui me regarde. Et c'est quoi le sujet de ma photo à moi ? C'est une femme qui est devant une paroi en bois. Non, non, c'est pas du tout ça mon sujet, moi. Moi, c'est une photo. C'est une photo d'une photo, c'est radicalement différent de l'original. Et il y a un artiste qui a été, sur l'original, qui a été qui est remonté en amont de Walker Evans, il a fait le contraire de Sherry Evans. C'est un artiste français qui s'appelle Jean-Daniel Berclaz, qui lui dit, mais en fait, Walker Evans, il a fait une copie de l'original qui est la femme qui est devant le mur. Et donc lui, il fait des vernissages de point de vue. Il repère un endroit qui lui semble intéressant à prendre en photo, et il amène les gens pour voir ce paysage en disant, voilà, l'original, il est là. Donc ça a donné cette question de l'original, elle a donné naissance dans le domaine de la création artistique à énormément d'œuvres très stimulantes intellectuellement. Je pense que du coup, le lien va se faire assez vite entre ces exemples artistiques et puis la question que je vais aborder maintenant, qui est la question d'un rapport poétique et créatif entre l'homme et la machine. Et donc, l'invention de ce rapport poétique pourrait être un objectif, à mon avis, et un sacré objectif finalement, vers lequel pourraient tendre les designers. Alors, cette dimension poétique constitue précisément une spécificité de son approche qui, à mon avis, diffère de celle qui peut être développée dans d'autres champs et sciences des techniques. Et du coup, je voulais préciser justement en quoi consiste cette poétique, enfin rapidement évidemment, mais voilà. Alors a priori, la poétique relève davantage des lettres, hein, en particulier du théâtre et de la poésie, mettant en jeu notamment un processus de représentation. Alors, dès l'Antiquité, la poétique est définie par Aristote comme relative au genre théâtral, comme l'épopée et la tragédie, impliquant donc différents sentiments, notamment un sentiment de surprise, des coups de théâtre, de la reconnaissance, de la frayeur et de la pitié. Donc tout un panel de sentiments et d'émotions assez ouverts. Et l'hypothèse que je fais, c'est que finalement, aujourd'hui, on pourrait se dire que la poétique excède le champ du théâtre et de la poésie comme genre littéraire et s'émancipe de ses formes anciennes, et que du poétique, à défaut d'incarner la poétique avec un grand P majuscule, peut-être que du poétique est à l'œuvre en design, notamment dans un certain type de production mécanique et numérique développée par certains designers. Alors, il se trouve que depuis une dizaine d'années, plusieurs designers se sont mis à produire leurs propres machines, c'est-à-dire qu'ils n'ont plus simplement sollicité des industriels, mais ils se sont dit finalement on va produire nos propres outils de production. Donc ça, c'est un phénomène assez étonnant. Voilà, et on peut imaginer plusieurs raisons à ce phénomène. Hein, peut-être une forme d'insatisfaction de la part des designers au regard des outils qui existent. Peut-être aussi une difficulté de la part des designers à avoir accès aux outils industriels. C'est vrai que l'industrie, en tout cas en France, pour une partie, c'est aussi délocalisé. Donc le paysage industriel, quelque part, c'est fortement diminué. Donc voilà, il se trouve qu'un certain nombre de designers se sont mis à produire leurs machines. Donc on peut citer plusieurs exemples, notamment la machine à céramique d'Ariane Prin, qui est donc plutôt une artisan, qui procède à un émaillage aléatoire de gobelets. On peut penser aussi à la Drawing Time de Mischer Traxler, qui est une machine qui propose de matérialiser graphiquement le temps à l'aide de sortes de spirographes muraux. C'est-à-dire que le temps n'est plus représenté de manière chiffrée, mais par des dessins qui vont se dessiner au fur et à mesure. Donc c'est une nouvelle façon de marquer le temps. Ou bien encore à l'artisan électronique de l'agence belge Unfold, qui est en fait une sorte d'imprimante 3D, mais qui va procéder à une mise en forme de la céramique à partir de petits colombins d'argile. Et donc, on peut imprimer aujourd'hui de la matière relativement souple et molle. Donc rappelons que la poétique est loin d'être éloignée de la mécanique. Hein. Les deux, poétique et mécanique, ont d'ailleurs été depuis fort longtemps mêlés. Alors on peut penser notamment aux pneumatiques d'Héron d'Alexandrie, donc qui est quelqu'un qui, dans l'Antiquité, va produire des traités scientifiques, enfin en tout cas des traités dans lesquels il va, par exemple, expliquer comment donner l'illusion d'ouvrir des portes d'un temple comme par magie. Donc en fait, c'est tout un système hydraulique et de pression physique qu'il décrit, mais justement, c'est donc au service donc, d'une émotion spécifique. On peut penser aussi aux grottes baroques, avec par exemple des nymphes et des dauphins qui peuvent bouger automatiquement, aux fontaines et aux grandes eaux, ou bien encore aux automates de Vaucanson. Donc machine et théâtre ont d'ailleurs toujours été très liés, et ce dès l'Antiquité. Et si on se réfère toujours à Aristote, donc le philosophe indique néanmoins que la machine de théâtre ne doit être utilisée que pour les événements extérieurs à la pièce, c'est-à-dire qu'elle participe du spectacle, mais pour lui, elle ne saurait être l'essentiel de l'œuvre. Elle accompagne ou la rend possible et accentue certains effets de surprise et participe de l'émotion du public. Mais pour lui, bon, c'est quelque chose de relativement secondaire. Alors dans le champ de l'art, évidemment, on a des artistes comme Jean Tinguely ou Rebecca Horn qui ont pu imaginer des machines à dessiner spécifiques, qui sont des machines assez drôles parce qu'elles ont des ratés, donc elles bougent, elles sursautent, elles tressaillent. Donc c'est des machines assez amusantes et qui ont une relation à la mécanique toute singulière. Aujourd'hui, on peut justement évoquer d'autres approches et des approches qui vont impliquer le numérique. Alors moi, je pense notamment à Daito Manabe, par exemple, à Ryoji Ikeda, qui sont des artistes plasticiens qui utilisent énormément le code, à Adrien M et Claire B, qui sont des artistes français, avec notamment le spectacle à Canaille, je ne sais pas si certains d'entre vous l'ont vu, mais qui est vraiment très très beau, ou Nicolas Maigret, qui travaille notamment sur les erreurs de code et de programmation. Donc, ces quelques exemples, à mon avis, peuvent donner une idée de ce que veut dire peut-être travailler poétiquement avec les machines et les langages informatiques. Donc, dans le champ du design, cette dimension poétique n'est pas toujours pleinement reconnue. Pourtant, c'est bien tout l'intérêt des designers que de travailler à produire des formes qui ne sont pas seulement une réponse technique à un besoin. Mais bon, voilà, c'est pas toujours. On n'envisage pas toujours le design sous cet angle-là, mais parfois comme une activité directement liée à l'industrie, comme un art appliqué. Hein. Souvent, on a parlé du design comme d'un art appliqué à l'industrie. Donc ce qui est intéressant avec le design, c'est que tout au long du XXe siècle, finalement, c'est que le design a développé finalement des relations très étroites avec les machines et les moyens de production industrielle, et que ça, finalement, c'est une expertise assez peu identifiée qui pourtant permet d'envisager peut-être un rapport humainement soutenable à la machine, puisqu'ils n'ont pas simplement convoquer les machines pour produire des objets économiquement. Enfin, disons que le designer, lui, il y a des enjeux créatifs qui l'animent. Donc, du fait de sa proximité avec l'industrie, il s'autorise parfois à contester le système de production et à l'amener sur un terrain qui n'est ni seulement celui du commerce, ni seulement celui de la productivité, enjoignant l'industriel à sortir de ses habitudes productives, orientant le débat autour de questions d'usage, de réception, de forme, de rapport tactile à la matière. Alors si on regarde un petit peu l'histoire du design, certains designers ont été très proches de l'industrie et certains ont même possédé leurs propres outils de production. Ce fut le cas notamment de Jean Prouvé et de son usine à Maxéville. Et cette proximité avec les outils de production, elle se ressent finalement directement à travers leur production. Et ça, c'est intéressant. Et parfois, c'est un peu ce qu'on oublie dans le travail des designers, mais finalement, c'est un travail qui qui est un peu passé sous silence, mais finalement vous avez de nombreux designers qui ont entretenu des relations très très fortes avec, avec certains industriels. Donc on peut penser notamment à Alvar Aalto et tout son travail autour du contreplaqué moulé, à Marcel Breuer autour du tube d'acier, à Pierre Paulin aussi, autour de la mousse de polyuréthane et du recouvert de jersey, ou à Werner Pantone autour de la matière plastique. Donc c'est vrai qu'aujourd'hui, ces questions-là sont à nouveau débattues. Donc le dérangement technique auquel procèdent ces designers ne relève pas vraiment du sabotage, mais plutôt de modifications dans les paramètres d'usinage et dans les modes de transformation des matériaux. Donc l'approche expérimentale qu'ont pu mener les designers au XXe siècle avec l'industrie et les machines, à mon avis, se déplace aujourd'hui du côté du numérique, et vous avez plusieurs designers qui s'engagent dans cette voie, qui vont plutôt bidouiller des codes, détourner de vieux appareils électroniques, qui vont mettre au point des logiciels de production numérique de forme, ou même générer des programmes de pilotage d'imprimantes 3D. Donc on peut penser à plusieurs designers, je vous en cite quelques-uns, mais François Brumand, notamment en France, Marcus Kaiser, donc, et dans le champ de l'architecture, Marc Fornes ou Michael Hansmeier. Donc sortir la machine de sa logique rentable, l'amener sur le terrain de l'expérience sensible, tel est sans doute donc l'enjeu d'un design qui serait poétiquement engagé. Donc les conditions d'émergence de cette poétique dans le champ du design sont assez variables, mais on s'aperçoit quand même que d'un certain nombre de constantes qui peuvent être identifiées. Reste encore quelques... Oui, quelques minutes. Peut-être qu'un des éléments qu'on peut évoquer, c'est peut-être pour qu'un résultat devienne poétique, il faut tout simplement que l'être humain soit encore derrière et qu'il existe encore, ou en tout cas qu'il soit encore perceptible. Et c'est peut-être ça qui parfois pourrait relever de l'évidence, mais qui pose question aujourd'hui avec l'automatisation des systèmes et avec des procédures qui ont tendance à mettre à distance l'individu. Donc quelle place finalement le numérique et les machines que l'homme produit continuent à générer des formes ou des éléments qui vont entrer, qui vont toucher directement l'individu, autrement que le toucher de façon autoritaire, de façon trop forte. Par ailleurs, l'efficacité à produire ne constitue pas le seul critère de validation du caractère opérationnel des machines. Pour le designer, il y a d'autres critères qui sont importants, qui sont liés à l'expérience, l'usage, et des critères esthétiques comme la façon dont la matière va être mise en forme. Alors, généralement, les designers qui mettent au point des machines personnelles de production sont attentifs aussi à ce que le résultat ne soit pas totalement prévu d'avance, et je terminerai là-dessus. Finalement, ce qu'ils vont mettre au point, ce sont plutôt les conditions d'obtention et de mise en forme de la matière qu'un dessin qui définirait la totalité du résultat. Au fond, en fait, ce qu'ils attendent, c'est aussi d'être surpris par le dispositif qu'ils vont créer. Et donc, c'est cette part d'aléa ou de surprise qui peut faire référence justement à Aristote, cette part d'aléa qui est peut-être essentielle dans leur travail. Finalement, contrarier la machine consisterait donc pour le designer à penser les conditions d'émergence des formes sans pour autant tout prévoir dans les moindres détails. Voilà. Ce sont ainsi autant la façon dont le design pourrait être relatif à une densification urbaine habitable. Ils peuvent être à tout contrôler et verrouiller. Ils peuvent être interprétés comme l'expression d'un faire manuel. L'impression 3D n'échappe pas à lui seul l'auteur de sa monture, capable de faire avec ce qui peut être obtenu. Autrement dit, est gadget ce qui est juste ou non, ce qui est important pour pouvoir corriger des moments. Un phénomène notoire est en réalité un principe dynamique. Du fait de main d'homme indique que pour lui seulement d'utiliser des technologies qui habituellement sont du ressort de l'industrie. Bien souvent redécouverte, la matérialité de ces créatures capables de créer des copies. Pour Michael Hansmeier, lorsqu'il lance des processus de conception numérique en design, dans le travail de programmation, avec le développement des ateliers de fabrication de négocier des contraintes réelles et physiques. Si réaliser un parfait automate, celui qui pourrait entraver le bon déroulement du projet. Pour parvenir à une production de masse. Il évoque également des ratés, liés la plupart d'entre eux, le but est d'encourager un processus projectif. Finissant par vieillir et s'user à la machine, cette main dont l'action semble pourtant réduite avec des outils de production. Cette confusion possible entre les ratios entrés numériquement et les possibilités qui s'offrent à lui. En leur sein, il ne s'agit pas pour lui d'accepter qu'il n'est pas seulement l'objet de diverses spéculations inventives. De nouvelles possibilités voient le jour, prolongeant en réalité le processus créatif. De nouvelles possibilités voient le jour, prolongeant en réalité le processus est très minimal. Il faut là préciser la spécificité de l'imprévu en tant que créatif pour ce qui est produit. Et pour revenir à l'analogie avec la machine à vapeur, l'usine. La conséquence de cette évolution fut la disparition plus ou moins consciemment et fortement l'imaginaire collectif. Nombreux sont les designers éprouvent le besoin de fabriquer leurs propres outils et protocoles de production. C'est d'ailleurs ce que Gilbert Simondon a appelé un milieu associé, la réplication, sa diffusion massive. Les objets résultant de leurs recherches relatives au numérique. La question est de savoir ce qu'ils conçoivent. Entretenir un rapport bien plus grande indépendance créative. Le parallèle qui a pu être obtenu de rencontres de deux lignes devant le dessin est avant tout de travailler sur l'architecture. Je le fais exprès. Il est bien loin d'opposer l'ouvrier à la machine. Un phénomène notoire est en ce sens faire preuve d'anticipation. Les machines et modes de pilotage à gauchir et à dessiner des formes utilitaires. En effet, le travail de précision du concepteur, une actualisation régulière des calculs ouverts et de l'industrie. Il y a des tests et des moments concernés par les systèmes de pilotage assisté, numériquement, se multiplient. Je le fais exprès. Il est ainsi la condition unique d'un faire avec, ce qui pourrait entraver le bon déroulement du projet. Préciser le mot « projet » oriente le design en tant que procédé reproductif, le fait accompli. Agir sur les machines numériques dès lors que ces dispositifs s'avèrent les plus bénéfiques est salutaire. Les machines et les réseaux de production. La structure urbaine qu'ils développent désigne en quelque sorte, avec le numérique, les machines s'exposent. Nombreux sont en effet calculés l'ordinateur. En leur sein, ils ne le sont pas. Les règles du jeu préalablement définies ne sont pas compatibles entre eux. Dans le travail, pour le dire autrement, non prioritairement manuel. Les variations qui font l'expérience quotidiennement. Du calculable et de découvrir. Cette méthode qui consiste à décider des parties et des acteurs du processus créatif. Les règles du jeu sont préalablement pas compatibles entre eux. bien que ces démarches impliquent tout un chacun. Mais il est ainsi la condition de la conception assistée par l'ordinateur et plus généralement aux technologies numériques. Est-il précisément question dans ce processus aléatoire d'imprévu ? Les machines, ordinateurs, scripts et algorithmes de génération. Si l'imprévu est le premier spectateur de ces constructions, disparaît au profit d'emprunts stylistiques, acculturés et passécistes. Ces événements sont précisément ce qui s'est produit. Merci beaucoup à vous tous. C'était très drôle, cette aussi. Le fait que la machine soit capricieuse, ça c'est aussi intéressant. Et bon, je vais vous proposer peut-être de poser des questions, mais j'ai tout de suite envie de demander à Sophie Fétreau qu'est-ce que ça lui inspire de parler et d'entendre ensuite sa parole ou disons d'autres textes, mais sa pensée retransformée comme ça. Est-ce que ça vous a perturbé dans vos interventions ? Oui, c'est assez troublant quand même, hein, puisqu'en fait, ce sont des textes que j'ai fournis et donc qui ont été moulinés par un algorithme et donc lus par les comédiens ici présents. Donc évidemment, ça fait ressortir un vocabulaire, un champ lexical, et puis des nouveaux sens, donc qui ne sont pas inintéressants du tout. On perd évidemment un peu le fil du contenu, mais je trouve que ça va très bien dans cette idée que d'une matière dont on peut se laisser aller à travailler. Je crois que voilà, on est créatif quand on fait des tests, quand on est autour de ce festival D, à mon avis, dans cette logique d'expérimenter des choses. Donc je suis ravie que cette machine puisse transformer quelque chose. Peut-être vous avez des questions directement où il y a personnes qui ont tout de suite spontanément quelque chose à demander. Ou à Dominique ou... Oui, monsieur. Si, ouais, je vais vous donner... Comme on enregistre, en fait, c'est pour ça que Dominique, je vais... Merci pour votre conférence et démonstration, c'est très intéressant. Est-ce qu'il y a un argument qui peut dire que cette création, disons, non programmée, qui est un petit peu le fruit de la personne, est-ce que c'est transculturel ou est-ce que c'est lié à la culture occidentale ou à la culture bouddhique ou autre ? Est-ce que les concepteurs de la machine ont envie de répondre à ça ? Peut-être qu'on peut parler peut-être de vos influences, en tout cas, de qu'est-ce qui vous a inspiré pour... Oui, oui, mais il me semble qu'elle questionne aussi ça, c'est la conception même de l'homme. Peut-être que Dominique a envie de répondre à ça, parce que, en tout cas, moi, ce que ça m'a évoqué, c'est dans la littérature, hein, si on peut parler de littérature aussi, la question de l'auteur, il y a aussi eu, dès le 19e siècle, au moment de la Révolution industrielle, des auteurs qui ont commencé à faire du découpage, collage d'œuvres. On peut penser à Lautréamont, qui disait « le plagiat est nécessaire, le progrès l'implique », ou même Victor Hugo, hein, dans certaines de ses œuvres poétiques, qui découpait des encyclopédies baroques. Et puis ensuite, il y a eu les cadavres exquis, les surréalistes, il y a eu les machines à fabriquer des lettres amoureuses, dont on parlait tout à l'heure avec les concepteurs de la machine, ou le cut-up dans la Beat Generation. Il y a aussi Guy Debord qui a affirmé ça dans ses écrits philosophiques. Et puis ensuite, il y a la poésie algorithmique ou Fluxus ou Lipo. Peut-être que... Quel est le statut aujourd'hui de l'auteur dans ce contexte-là où... Puisqu'aujourd'hui, il y a de la poésie algorithmique, mais il y a aussi... j'allais dire... il y a aussi des pseudonymes collectifs, des gens qui écrivent à plusieurs mains, sous un seul auteur. Et c'était pratiqué dès le 19e. Alors, dans le droit d'auteur, en fait, quand il y a un seul auteur, ça ne pose pas trop de difficultés. Mais après ça, pour les œuvres collectives, il y a deux statuts. Il y a les œuvres de collaboration et les œuvres collectives. Dans les œuvres de collaboration, en fait, on va considérer que dans une œuvre, il y a un certain nombre d'auteurs qui ont collaboré. Par exemple, un film en France, c'est une œuvre de collaboration. Ça veut dire qu'il y a, dans les auteurs, il y a le réalisateur, il y a le scénariste, il y a l'auteur de la musique, il y a l'auteur du décor. Et on ne peut pas exploiter le film sans avoir l'accord de l'ensemble des auteurs. Et puis, il y a une autre conception qui est l'œuvre collective, où là, on va considérer que ce qui fait œuvre, c'est la contribution de l'ensemble des membres de l'œuvre, sans qu'il y ait un individu qui détienne spécifiquement les droits. Et en règle générale, dans ces œuvres collectives, c'est le producteur qui détient les droits. En fait, dans n'importe quelle œuvre, il y a une espèce de superposition, une superposition d'auteurs, voulue ou pas voulue. On emprunte toujours à des œuvres déjà existantes sans le savoir ou en le sachant. Alors quand on le sait, ça pose la question de à quel moment on fait du plagiat, à quel moment on fait une œuvre nouvelle. Mais quand un metteur en scène, par exemple, interprète un texte, ben ça fait un deuxième auteur qui réinterprète le texte, et il n'y a pas de plagiat. Pourtant, tout le texte qu'il met en scène, il existe déjà. Donc, en fait, l'histoire de la création, mais même l'histoire économique, c'est une histoire de copie, plus ou moins signée. Et vous aviez raison de dire que depuis très longtemps, les artistes, ils se sont amusés à ça. Ils ont montré leur emploi. Par exemple, les textes qui ont été lus, c'est qui l'auteur ? C'est l'auteur du texte original dont on a repris des phrases, des mots. C'est l'auteur de l'algorithme. C'est la machine. Mais du coup, moi, j'aimerais bien savoir, d'ailleurs, est-ce que vous pouvez nous donner des éléments sur la façon dont il est fait, cet algorithme ? Comment sont associés les mots ? Alors, c'est basé sur ce qu'on appelle les chaînes de Markov. En gros, c'est ce que vous avez dans votre téléphone, c'est-à-dire quand vous tapez un SMS, il vous propose des mots. Enfin, le système vous propose des mots. Et donc, c'est un peu ce qu'on a fait, c'est-à-dire qu'on a pris les textes de Sophie, et puis on a regardé pour chacun des mots qu'elle avait écrit les mots les plus probables qu'elle écrivait derrière. Enfin, pour un mot, par exemple, derrière, bien, généralement, elle écrit ce mot-là, ce mot-là, ce mot-là. Et donc, on a construit comme ça un grand dictionnaire. Avec pour chaque mot les différentes possibilités. Alors parfois il n'y en a qu'une, c'est-à-dire que parfois elle écrit un mot derrière, elle écrit toujours le même mot. Et donc on commence par tirer au hasard un mot, ça commence par une majuscule. Voilà. Et puis après on construit comme ça la phrase, jusqu'à terminer par un mot qui est suivi par un point. Voilà. Puis on donne une contrainte, on essaie de faire des choses à peu près de 140 caractères. Voilà. Puis on génère comme ça. Petit à petit des phrases. Et donc vous ressentez l'auteur du texte ? Ah non, pas du tout. Sophie reste l'auteur. Non, c'est un texte collectif. C'est un texte collectif. C'est l'ordinateur qui est auteur de. Et, j'allais dire dans le champ du design ou de l'œuvre d'art, disons dans le champ même de la fabrication numérique, il y a la possibilité de livrer les fichiers en accès sur Internet dans des repositories comme des sites Internet comme Thingiverse ou ce genre de choses. Il y a des artistes qui ont travaillé à ça, je pense à un artiste en particulier qui est d'ailleurs de Tours et qui fait une œuvre qui alors déjà il reproduisait des fenêtres cassées de zones un peu en disant l'idée de. C'est l'idée de la tolérance zéro. Quand il y a une fenêtre cassée, c'est que tout ça va commencer à dégénérer dans le quartier et tout ça. Donc, comme il voulait aussi parler de l'éducation et cette question de il faut absolument former les jeunes aux machines, etc. Donc, il se met à reproduire une fenêtre cassée avec une machine de découpe laser dans du plexiglas. Ça devient une œuvre plastique. Donc, il l'a fait à trois exemplaires. Et puis après, ceux qui achètent l'œuvre achètent aussi le plan et peuvent la reproduire parfaitement. Donc, voilà. Donc, la question de la reproductibilité là. Est un choix et disons même un engagement aux politiques en disant je veux qu'on puisse reproduire ce travail et dans les questions aussi de partage dans les Fab Labs, dans les systèmes éducatifs. Donc on pourrait multiplier les exemples, mais peut-être que Sophie pouvez parler un peu de cette logique du logiciel libre ou des créatives commons, qui sont des variations de propriété intellectuelle dans le champ, particulièrement dans le champ du design? Oui, c'est vrai que c'est des pratiques qu'on observe. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, sont mis, par exemple, en partage des fichiers sources qui permettent, par exemple, de piloter une imprimante 3D et de réaliser un objet. Donc il y a des designers qui, en fait, conçoivent des plans qui sont mis voilà, à disposition soit gratuitement, soit de façon payante, mais parfois de façon libre, et qui peuvent être donc multipliés, enfin reproduits. Donc soit la personne va utiliser le fichier source tel quel, et puis donc il va réaliser la pièce telle que le premier designer l'a imaginée. Soit il peut aussi télécharger le fichier et modifier légèrement le fichier. C'est-à-dire, au lieu de vouloir une pièce qui mesure 12 cm, eh bien, il va faire une pièce qui fera 15 cm, ou il va rajouter un boulon, ou rajouter des éléments. Et ça, c'est aussi dans la logique, finalement, de l'open source, que de faire diffuser des plans qui vont pouvoir être transformables par les utilisateurs mêmes. Donc, ce qui fait que ça remet en question quand même le statut du consommateur, qui serait simplement quelqu'un qui viendrait consommer un objet, voire même un plan, mais devient quelqu'un qui peut interagir avec ce plan, le transformer et quelque part se l'approprier aussi pour produire autre chose. Donc on peut observer des décalages, des variations. C'est le cas par exemple des séries d'imprimantes 3D qu'on appelle les RepRap. Donc aujourd'hui, ces outils de réplication, parce qu'aujourd'hui on parle... Oui. On parle plutôt d'ailleurs de réplication que de reproduction ou de copie, ce qui serait peut-être une spécificité aujourd'hui dans le champ lexical, c'est-à-dire que la réplication implique justement cette possibilité de modifier la source, ce qui n'était pas forcément le cas dans la reproduction à l'identique et du système industriel classique. Donc ça c'est intéressant de l'observer, et du coup ça donne une liberté qui est assez grande aux personnes qui vont justement télécharger ces fichiers, qui de fait ne sont plus simplement des consommateurs, mais des gens qui peuvent interagir avec leurs objets. Il me semble qu'on dit aussi pro-sommateur et pas consommateur. Deux choses pour réagir là-dessus. Une première chose, c'est qu'un des fondements des droits d'auteur, tel qu'il est défendu dans la littérature économique, c'est de soutenir l'innovation. Le débat sur le droit d'auteur à la fin du XVIIIe siècle et surtout au XIXe siècle, en fait, on essaye de trouver un système qui permette de stimuler l'innovation, c'est le droit de propriété intellectuelle en règle générale, et les économistes pensent que pour que les gens aient envie d'innover, envie de créer, il faut qu'ils soient rémunérés, donc il faut une incitation à la rémunération. Or, ce qui se passe aujourd'hui, c'est montre que finalement l'innovation, elle ne procède pas forcément uniquement et principalement peut-être de ce ressort-là. Et il y a d'ailleurs des économistes, il y a un économiste américain qui s'appelle Baumol, qui a fait un livre, qui a montré que la plupart des innovations ne naissaient pas forcément d'une incitation financière à innover. Donc ce qui se passe aujourd'hui avec les logiciels open source, c'est bien une dynamique d'innovation qui ne repose pas sur des incitations financières telles que le dit la théorie orthodoxe des droits de propriété. Puis la deuxième chose qui est intéressante dans ce que vous avez dit, c'est que en économie, pendant longtemps, on a considéré que les filières de production étaient verticales. Donc il y avait un créateur au départ, un producteur, un distributeur, un diffuseur, et à la fin, il y avait le consommateur final. Et on l'appelait le consommateur final parce que quand le bien arrivait jusqu'au consommateur, il quittait le champ économique dans la comptabilité nationale. Quand ça arrive chez le consommateur final, c'est plus dans l'économie, c'est dans les loisirs, c'est dans la... Or, ce qui se passe aujourd'hui, c'est que la notion de consommateur final, elle est obsolète, comme vous le disiez très bien. Finalement, les biens, une fois qu'ils arrivent jusqu'aux usagers, ils continuent à vivre de plein de façons différentes parce que l'usager va le modifier, parce qu'il va le revendre, parce qu'il va le distribuer. d'une certaine façon, quand vous mettez un fichier musical sur votre ordinateur et que vous le partagez, vous jouez un rôle de distributeur. Donc cette notion de filière verticale qui fait qu'une fois que l'objet il est en fin de course, il arrive au consommateur, il quitte le champ économique, elle est complètement obsolète aujourd'hui. Et on voit des processus d'innovation qui intègrent directement l'usager dans la dynamique des produits futurs. Si vous voyez une question là-haut. Oui, bonjour, merci. Je voulais vous poser une question. Vous avez parlé à un moment des dangers ou des inquiétudes que l'on pouvait avoir vis-à-vis des machines. Évidemment, la question, je pense, du militaire se pose. Et j'aimerais bien vous entendre sur ces questions. Vous avez parlé d'objets réplicables. Est-ce que on peut s'inquiéter de conséquences militaires de ces nouvelles inventions? Enfin, qu'est-ce qu'on peut en dire? Ouais, c'est une vraie question. C'est-à-dire à partir du moment où un fichier est librement partageable sur la toile, du coup, on peut très bien donner des plans pour faire un drone, pour faire des armes, etc. Et c'est le cas aussi. Hein, on trouve aussi des fichiers qui sont téléchargeables. Alors, plus ou moins, enfin, avec une réalité plus ou moins forte, mais c'est pour l'instant, c'est assez peu contrôlé. Le directeur de l'Albert and Victoria Museum a fait l'acquisition justement du premier pistolet imprimé en 3D et reproductible de cette façon-là. Et qui marche plus ou moins, oui. Mais aujourd'hui, à mon avis, ils peuvent marcher. C'est vrai qu'il y a quelques années, l'impression 3D était essentiellement réalisée à partir de matières plastiques, donc il y avait des problèmes de résistance et de force. Aujourd'hui, on peut imprimer du métal, donc de toute façon, on va arriver à des objets qui sont tout à fait opérationnels. Donc c'est vrai que ça laisse entrevoir quelques inquiétudes, hein, évidemment. Alors comment ça sera légiféré? Pour l'instant, il y a des vides juridiques. Hein. Je peux dire un mot là-dessus, c'est qu'il faut comprendre qu'il y a toujours, dans les technologies, il y a la question de la technologie à double usage. C'est-à-dire qu'il y a des usages tout à fait bénéfiques dont on peut en faire, et puis il y a l'usage potentiellement dangereux, notamment ne serait-ce que l'ordinateur. Hein. L'ordinateur portable était considéré comme une technologie à double usage. Depuis la Seconde Guerre mondiale, il y a des protocoles internationaux, ce qui entraîne, c'est aussi les boycotts de pays comme la Corée du Nord ou l'Iran, parce que c'est aussi pour que certains savoir-faire, savoir technique, quand ils sont encore dans le champ de l'innovation ou ils ne sont pas encore très bien régulés, n'arrivent pas dans certains pays. Donc on définit ça selon, oui, on dit en anglais dual use technology, donc c'est des choses qui sont très très fortement en discussion toujours dans la géopolitique internationale. Donc ça rentre de la même manière pour les questions de la fabrication, de la réplication numérique. Après l'histoire du pistolet 3D, ça a été un buzz aussi, et le créateur en lui-même voulait justement soulever cette question en le développant. L'objet n'est pas réellement le meilleur qu'on puisse trouver sur le marché, notamment aux États-Unis, hein, où on peut acheter des armes partout au Nevada. C'était aussi une manière de soulever cette question. Peut-être d'autres questions ou rebondir là-dessus, oui. Le micro là-bas. Donc ce sera sans doute la dernière question. Ou peut-être moi j'en aurai une dernière. C'est pour rebondir sur ce que vous dites sur l'aspect dual des technologies. C'est-à-dire l'exemple typique, c'est l'antivirus Kaspersky, dont le New York Times a révélé récemment qu'il avait servi à infiltrer les ordinateurs de la NASA. Donc c'est extrêmement dangereux parce qu'on se présente comme étant une défense contre une attaque, cyberattaque, et en fait c'est le cheval de Troie justement dans les ordinateurs. Donc c'est quand même une chose qui fait réfléchir beaucoup pour les consommateurs. Oui, c'est vrai. Bernard Siguet appelle les pharmacombes, c'est à la fois des poisons et les médicaments, c'est aussi des poisons. Stigler parle de pharmacombes pour illustrer ce type de produits qui sont à la fois des poisons et des médicaments. Les médicaments sont pour la plupart du temps des poisons. Et dans le numérique, il y a plein de choses comme ça qui sont à la fois des choses libératrices et des choses qui sont au contraire très contraignantes. J'avais une autre question, une dernière, on va dire, et puis après on va devoir libérer la salle. Je voulais juste, en repensant à ce que Dominique disait, c'est alors moi ce qui m'intéresse notamment, c'est donc au 19e siècle il y a la révolution industrielle et donc on commence à fabriquer des objets en série et il y a une sorte de réaction qui vient de des gens, des artisans qui ont un certain savoir-faire. Pense à William Morris ou Ruskin, donc il y a un mouvement créatif qui émerge, qui est le mouvement des Art and Craft, qui va donner après un nouveau Art Déco, et qui a une volonté de défendre les savoir-faire en disant les objets produits industriellement sont de piètre qualité. Et je voulais mettre ça en parallèle, parce qu'aujourd'hui, avec la fabrication numérique et le monde des Fab Labs, on est un peu dans un des messages qui est promotionnel hein, de ce monde-là, c'est de dire ah oui, on va enfin pouvoir refabriquer de l'objet individuel. Nous-mêmes, et non plus de acheter des objets en série pendant 100 ans. Mais en même temps, ces objets individuels ne sont pas non plus de qualité. Le savoir-faire, ça ne s'invente pas non plus. Donc il y a un renversement presque idéologique là-dessus et qui est utilisé dans le monde économique. Peut-être que vous auriez tous les deux quelque chose à dire là-dessus. Effectivement, il y a une espèce de valeur attribuée au fait main, aux sur-mesure, qui est issue de ces réactions du monde artisanal par rapport à un monde industriel qui standardisait les produits. Mais les produits industriels peuvent être d'aussi bonne qualité que les produits artisanaux, d'une certaine façon. Donc, il y a une dimension idéologique à penser que finalement le fait main a plus de valeur que le fait industriel, de la même façon que c'est pas parce qu'on va pouvoir faire son propre objet qu'il aura plus, il sera d'une meilleure qualité que s'il était produit par une usine. Pendant longtemps, ça risque d'ailleurs d'être plutôt le contraire. Par contre, ce qui est bien, c'est que en matière d'expérience personnelle, ça change. C'est nous qui avons produit notre objet, on a ce rapport à l'objet qui change et c'est la valeur, elle est là. Mais moi, je crois pas trop au fait que finalement les produits artisanaux sont forcément de meilleure qualité que les produits industriels. Ils sont simplement différents. Il y a peut-être un champ esthétique, mais... Oui, il ne faut pas non plus rejeter l'industrie en masse. Je pense qu'elle a été aussi l'occasion de développer des produits d'une très grande beauté aussi, que le standard, il n'y a pas à jeter non plus le standard par la fenêtre, c'est-à-dire dans la standardisation, si on se reporte ce qui s'est fait au début du XXe siècle, il y a eu aussi beaucoup de choses intéressantes, et c'était aussi la garantie d'une diffusion d'objets de qualité à moindre coût, donc ça a été au moins une façon de démocratiser un grand nombre d'objets, et après-guerre de permettre aussi de reconstruire et de permettre au foyer de se doter d'objets d'utilité courante. Donc le standard a eu aussi ses avantages. C'est vrai que le numérique offre de nouvelles possibilités. Je suis peut-être pas sûre que le numérique génère le même non-standard que l'artisanat, par exemple. Certes, il peut produire de la pièce unique, mais il peut aussi générer de la série différenciée, ce qui est un peu différent aussi. Donc c'est d'autres modèles, d'autres modalités de diffusion, d'autres qualités esthétiques aussi qui apparaissent et qui sont tout à fait stimulantes et engageantes aussi. Très bien. Bon, si vous voulez, on peut continuer en bas, dans le Festival D. Merci à tous d'avoir participé à cette conférence performée. Merci.